LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, j'ai souvent un test pour avoir mon niveau de forme à bord, c'est d'écrire sur un bout de papier et de regarder le niveau d'écriture, s'il est bien défini, si les lettres sont proprement définies. Je sais que je suis dans un état de forme bon. Par contre, quelquefois, lorsque j'arrive quasiment pas à écrire ou quoi, je suis dans des zones à risque. C'est la psychophysiologiste russe Marie de Manasséine qui va essayer de répondre à la question « Est-ce que le sommeil est indispensable à la vie ?» Parce que, dans les années 1890, il y avait certains théoriciens qui pensaient que, finalement, le sommeil était plutôt une mauvaise habitude et que si on s'entraînait, on pouvait petit à petit finir par se passer de sommeil et que c'était pas grave. À partir du moment où la personne peut dire qu'elle est en train de rêver, d'un point de vue de la recherche, c'est un outil formidable. Le rêveur lucide devient un agent infiltré dans le rêve, on peut lui confier des missions. Et donc ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de questions qu'on se posait depuis très longtemps sur les rêves. Par exemple, est-ce que la durée en rêve est la même que dans la réalité ? 1, 2, 3, sommeil. Au 19e siècle, pour mieux comprendre le sommeil et ses pathologies, les médecins vont regarder du côté des sciences naturelles et du sommeil des animaux. Anatomie du sommeil. Jérôme Sandelars, Agnès Catou. Je prends jamais une décision importante sans avoir dormi auparavant. Qu'y a-t-il de commun entre un navigateur en solitaire, une éminente neurologue, une doctorante en histoire, un patient narcoleptique, des chercheurs en neurosciences et Thomas Edison? Non, vous ne voyez pas? Allez, je vous aide. Tous se passionnent pour le sommeil et les meilleures manières de l'apprivoiser. Long ou bref, d'un bloc ou fragmenté, sage ou agité, comment fonctionne ce drôle d'animal et quels sont ses effets sur notre métabolisme? Et en parlant d'animal, vous êtes-vous déjà demandé comment dorment nos cousins à quatre pattes? D'un œil ou sur leurs deux oreilles? Même s'il fait couler beaucoup d'encre, le sommeil est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pesé, mesuré, il sera examiné sous toutes les coutures avant de passer à la moulinette. Jean-Pierre Dick, c'est ici? Bienvenue, bienvenue. Merci. On peut se mettre à l'intérieur. Ouais, on peut. Là, tu viens. Donc, désolé, le bateau est un peu ouvert. On va bien sûr dans le Où est-ce qu'on se trouve, là, Jean-Pierre Dick? Voilà, on se trouve dans le cockpit de mon bateau Notre Méditerranée, ville de Nice. Bientôt partir pour la Route du Rhum. 12e édition. Donc, 12e édition de la Route du Rhum. Pour moi, c'est la 4e participation. Alors là, on est encore au port, les préparatifs du départ. L'eau est lisse, comme on dit. C'est un lac, mais ça ne va pas du tout être la même chose pendant la traversée. Parce que là, c'est l'Atlantique Nord. Et il y a des grosses vagues. Et donc, la grande difficulté du marin, c'est de trouver le sommeil. Pourquoi il faut trouver le sommeil? Parce que y a le stress de la course. L'homme doit récupérer par le sommeil. C'est un animal, un mammifère qui a besoin de son sommeil. Moi, je me suis trouvé qu'effectivement, quelquefois, sur certaines courses, on manque trop important de sommeil. Où, effectivement, là, je tombais dans des phénomènes un peu d'hallucination, surtout auditif d'ailleurs. J'entendais des concerts ou des bruits. Je sais qu'il y a certaines zones de fatigue à ne pas dépasser. Donc, le sommeil est vraiment important. Donc, notre problème, c'est de trouver le sommeil. Donc, comment on va faire? Un rituel. Plus important, l'alimentation. Voilà, je rentre dans ma petite cuisine, ma tambouille. Là, ma bouilloire. Alors, j'ai essayé de nombreuses fois d'aller au lit directement, mais voilà, après le repas, on dort mieux. Ok, on allume le feu, ça y est, c'est parti. Voilà, j'ouvre le sachet lyophilisé. De la poudre, hein, au début, ça n'aura son aspect normal qu'à la fin. maintenant, important, le plat salé chaud, le plat sucré qui donne un peu de glucose pour engendrer le sommeil. Ça n'empêche pas de dormir, le glucose. Oui, il y a toujours l'image de la barre chocolatée, les nutritionnistes m'ont dit non, c'est important d'avoir un petit côté sucré. Un petit moment de réconfort. Un petit moment de réconfort, oui aussi, il y a le côté plaisir. Ça y est, ça part. On va pouvoir hydrater le plat. Il y a quoi au menu ce soir, Jean-Pierre Dick? Alors, bizarrement, les meilleurs spécialistes des plats lyophilisés, ce sont les Norvégiens. Et donc là, je suis en train de me faire un lapkaos, qui est une sorte de giblotte avec une purée. Donc c'est quelque chose d'assez bourratif, je dirais, si vous voyez ce que je veux dire. Ça tient au corps. Deuxième phase importante après ce repas, le fait de se déshabiller. Pas dormir en ciré, complètement mouillé, trempé. Il faut arriver à se relaxer suffisamment pour arriver en mode sommeil. Un élément important pour moi, ne pas mettre de réveil à heure fixe. Je vais mettre des alarmes, mais ces alarmes, elles vont être techniques. Lorsque le vent va monter, lorsque le vent va changer de direction, je vais être informé par une alarme qui va être assez violente. C'est le fameux réveil. Celui-là, c'est le plus énervant. Hein. Celui-là, il vous met en dehors du lit. Extrêmement violent au niveau. J'ai deux selon le vraiment. Ça, c'est un tout petit peu plus cool, mais je peux vous garantir que lorsque vous êtes en sommeil profond, ça fait mal aussi. Pour se relaxer parfaitement, il faut que le marin soit sûr que son bateau aille même dans la bonne direction et n'engendre pas d'avarie ou ne se mette pas en péril. Donc ces alarmes sont importantes. Et lorsque l'alarme sonne, il faut être réveillé. Donc elles sont très puissantes parce que quelquefois on est dans un sommeil très profond. Ça veut dire que vous pouvez dormir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Jean-Pierre Dick, ou... Tout à fait. Donc majoritairement, je vais dormir la nuit. Mais quelquefois... Les événements marins font qu'il faut aussi que je dorme profondément la journée. Et donc, vraiment, mon objectif, ça va être d'essayer de trouver au moins 3 plages d'une heure et quart, une heure et demie, pour rentrer dans mon sommeil profond, qui va être vraiment réparateur. C'est celui où on se réveille, on a les idées claires. Mais ça prend du temps d'y arriver. Ça peut être souvent 2 jours, quelquefois 3 jours et 4 jours. Mais attention... Risque, lorsque c'est 3 jours. Docteur Isabelle Arnulf, vous êtes neurologue et chef du service de l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce qu'on pourrait essayer de dresser une espèce de physiologie du sommeil, c'est-à-dire de l'endormissement jusqu'au réveil au petit matin? Quand une personne se prépare à dormir, elle s'allonge, elle ferme les yeux. À ce moment-là, son activité cérébrale commence déjà à passer dans un rythme un petit peu lent et elle va commencer à voir son tonus musculaire diminuer, ce qui se traduit par exemple par la fermeture des paupières ou la nuque qui tombe. Certains peuvent avoir une telle baisse qu'ils commencent à ronfler. Et en même temps, les yeux roulent doucement sous les paupières. Et ça caractérise la phase d'endormissement. À ce moment-là, on a un petit peu au début des pensées, puis ensuite des images qu'on choisit, et puis des images qu'on choisit plus, qu'on appelle l'imagerie hypnagogique. Et puis on sombre dans le sommeil proprement dit. Et la phase suivante s'appelle la stade N2, c'est le sommeil lent léger. Là, la personne est calme, elle ne bouge pas. Et puis le cerveau continue à se ralentir, on dit qu'apparaissent des ondes lentes. Et ce rythme cérébral continue à consolider la mémoire, relaxe énormément le cerveau, il consomme beaucoup moins d'énergie. Et puis il coupe l'information arrivant par les oreilles, les yeux, etc. Il est vraiment replié sur lui-même. C'est la phase N3, donc le sommeil profond, qui prédomine sur les 3 premières heures de la nuit. Et puis, le cerveau se réactive à nouveau, on voit apparaître des ondes plus rapides, et la personne est vraiment, pour le coup, complètement paralysée, difficile à réveiller. Et en même temps, donc le cerveau s'active, les yeux bougent sous les paupières, la personne est totalement relaxée, mais il peut y avoir des toutes petites secousses du bout des doigts qu'on va voir chez un chat, comme des secousses des moustaches et des oreilles. Et ça correspond cette fois-ci à la phase dite de sommeil paradoxal. Et il existe, si on regarde un peu plus bas, une érection. La respiration aussi devient irrégulière alors qu'elle était régulière en phase de sommeil profond. Et cette phase-là va durer une dizaine de minutes en début de nuit. Les cycles de début de nuit contiennent beaucoup de sommeil profond, les cycles de fin de nuit, des phases paradoxales beaucoup plus longues, au point qu'en fin de nuit, on peut faire une heure de sommeil paradoxal, sachant que c'est la phase où on a les rêves les plus immersifs, les plus hallucinatoires. Célia Lacour, vous êtes post-doctorante à l'Institut du cerveau à Paris et au service de pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière. Il y a quelques mois, vous avez terminé une thèse consacrée à la créativité et au sommeil. Exactement. Et vous avez mené une étude sur les siestes créatives. Oui. De quoi il s'agit Donc c'était une étude qui s'inspirait donc d'une histoire de Thomas Edison, donc le fameux inventeur aux 1000 brevets qui a notamment, par exemple, découvert l'ampoule. Donc en fait, Thomas Edison, il avait l'impression que la phase d'endormissement était très propice à la créativité. C'est une phase transitoire entre éveil et sommeil. Et puis après, on s'endort plus profondément, donc on peut complètement passer à côté de cette période-là. Et donc lui, Thomas Edison, pour capturer cette période de très brève, il réalisait des siestes en fait en journée, donc dans un fauteuil. Et il tenait un objet dans la main, donc c'était des sphères métalliques. Et donc l'idée, c'était qu'au moment où il allait s'assoupir, il y aurait un relâchement musculaire qui allait causer du coup le lâcher de ces sphères métalliques. Et donc le bruit le réveillait, et il notait à ce moment-là tout ce qui lui passait par la tête. Et donc il aurait attribué nombreuses de ses découvertes à cette technique-là. Alors d'ailleurs, il n'est pas le seul. Par exemple, si on cherche un petit peu, on voit que Salvador Dali, il aurait fait la même chose avec une clé. Donc c'était tout l'objectif en fait de cette étude que j'ai réalisée durant ma thèse, donc en gros de tester si cette histoire d'Edison ou de Salvador Dali était vraie. Et donc pour ça, on a reproduit un petit peu les mêmes conditions, donc on a recruté une centaine de participants. Ils venaient, on leur donnait des sortes de problèmes à résoudre, mais ce qu'ils ne savaient pas en fait et ce qu'on ne leur disait pas du tout, c'est qu'il y avait une petite astuce cachée dans chacun des problèmes qui permettait de les résoudre beaucoup plus rapidement. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait plein de ces problèmes avant et après une petite sieste de 20 minutes à la Edison. C'est-à-dire qu'ils étaient assis dans un fauteuil, dans le noir, avec les yeux fermés, et ils tenaient cette petite bouteille du bout des doigts, comme ça, avec le bras qui était posé sur l'accoudoir, avec la main qui était bien à l'extérieur de l'accoudoir. On leur dit, vous pouvez vous reposer, simplement vous allez tenir cet objet dans votre main, et si jamais il venait à tomber, on va simplement vous dire de rapporter tout de suite à voix haute tout ce qui vous passait par la tête avant que ça ne tombe. Donc bien sûr, nous, ce qu'on fait pendant toutes ces 20 minutes, c'est que non seulement on a un enregistrement de la vidéo, du son, et puis en plus, on enregistre bien sûr leur activité cérébrale. Est-ce qu'ils sont restés éveillés? Est-ce qu'ils ont somnolé? Et ils ont atteint ce fameux stade N1, donc d'endormissement, ou est-ce qu'ils sont allés même plus profondément dans le sommeil? Donc c'est ce qu'on regarde, on monite en fait tout cela pendant la pause. Et donc les personnes qui avaient juste une minute de somnolence, la grande majorité trouvait en fait cette règle cachée dans un phénomène d'Eureka. Donc c'était 83%, ce qui était trois fois plus que la proportion qui était retrouvée chez ceux qui étaient soit restés éveillés pendant toute la durée de la pause, soit qui étaient allés dans du sommeil plus profond. Donc finalement, ça correspond vraiment à l'intuition d'Edison, qui se disait il faut surtout pas que je dorme trop profondément, il faut que je me réveille vraiment à cet instant-là, au moment de l'endormissement, avant que ça disparaisse un petit peu dans les limbes du sommeil. Du coup, en accord avec ces résultats sur le fait que la phase d'endormissement, elle était propice à la créativité, on s'est aussi rendu compte que les patients narcoleptiques, ils étaient aussi plus créatifs que la moyenne, ce qui pourrait justement s'expliquer par un accès privilégié à cette phase d'endormissement et aux rêves en général. Je tombe de sommeil. Je tombe dans le sommeil et j'y tombe par l'effet du sommeil. Comme je tombe de fatigue, comme je tombe d'ennui, comme je tombe de détresse, comme je tombe en général. Le sommeil résume toutes ces chutes, il les rassemble. Le sommeil s'annonce et s'emblématise à l'enseigne de la chute, de la descente plus ou moins rapide, ou de l'affaissement, de la défaillance. Lorsque je tombe dans le sommeil, lorsque je sombre, tout est devenu indistinct. Le plaisir et la peine, le plaisir lui-même et sa propre peine, la peine elle-même et son propre plaisir. L'un passant dans l'autre engendre la fatigue, la lassitude, l'ennui, la léthargie, le décrochage, le désamarrage. Le bateau doucement quitte ses amarres et dérive. Tombe de sommeil de Jean-Luc Nancy. Ça y est, le repas est pris. Mais je vais me diriger vers mon lit. Jean-Pierre Dick. Important pour moi, vous voyez, je vais mentaliser déjà le sommeil, ôter les bottes. Pas toujours facile à ôter. Il ne faut pas dormir mouillé. Le dernier point qui est important pour moi, ce qui n'est pas vrai pour tous les marins, mais c'est le fait d'ôter mes chaussettes. Je dors dans un sac de couchage, mais avec les pieds nus. Un détail qui peut paraître négligeable, mais qui, s'il n'est pas fait, engendre une difficulté plus grande à rentrer dans le sommeil. Parfois, lorsque les conditions sont vraiment difficiles, on a l'impression de ne pas dormir. Parce que les vagues et tout ça, on somnole. Éventuellement, c'est pas très bon, mais ça reste un tout petit peu récupérateur. Mais vraiment, le moment important, c'est effectivement tomber dans un sommeil profond qui, lui, ne passe pas inaperçu lorsque vous vous réveillez. Vous savez que vous avez été dans du sommeil profond. Il y a la clarté de votre esprit, tout simplement. Alors, j'ai souvent un test, par ailleurs, pour avoir mon niveau de forme à bord. C'est d'écrire sur un bout de papier et de regarder le niveau d'écriture, s'il est bien défini, si les lettres sont proprement définies. Je sais que je suis dans un état de forme bon. Par contre, quelquefois, lorsque j'arrive quasiment pas à écrire ou quoi, je suis dans des zones à risque, voilà, où il est difficile de revenir en forme. Donc là, ça y est, je suis dans une sorte de pyjama confortable, ce que j'appelle ma première couche. C'est pas quelque chose que j'enlève, parce que c'est trop fastidieux de l'enlever systématiquement. Donc j'en ai beaucoup à bord, hein, parce que dès qu'ils sont un peu humides, je les change, parce que c'est important d'être dans un environnement sec. Voilà, je vais me rentrer dans mon sac de couchage. Alors, mon doudou fétiche a la particularité d'être le seul objet dans ce bateau qui a fait tous mes tours du monde. Alors, c'est un petit coussin que j'ai acheté au Canada. Et donc, c'est un élément important parce que je sais qu'il est parfaitement calé à mon visage. Il permet de me relaxer le visage. Il est petit, il est léger. Et ce petit doudou, là. Les deux derniers éléments importants, ce que j'appelle mes accessoires de sommeil. Alors, maintenant, avec l'âge, au début, c'était pas le cas. Maintenant, je mets des boules qui yes. Des petites boules qui sont en cire, qui m'isolent de l'environnement, mais avec lesquelles je peux tout de même entendre des alarmes sonores assez fortes. Et puis le cache-yeux. Important lorsqu'on veut dormir le jour, mais même la nuit, il y a des lumières dans le bateau et tout ça. Donc ça y est, maintenant je vais me mettre dans un autre univers. Essayer de s'isoler de l'univers maritime, mentalement, plus penser aux problématiques qu'on a dehors. Il faut arriver à déconnecter son cerveau. Et je vais imaginer des couleurs, souvent des couleurs mauves. Me relaxer, c'est aussi quelquefois imaginer des paysages relaxants pour moi. Des visages qui me sont chers ou souvent mon image de visualisation la plus fréquente, bizarrement, c'est je suis assis dans un champ de neige à la montagne. Et je regarde les collines. J'ai mes skis à côté et voilà, c'est une journée de printemps à la neige où il fait pas trop froid, mais j'essaie de garder cette image en tête pour trouver le sommeil doucement. Ça peut être très facile au bout de quelques jours lorsqu'on est à mariner, mais quelquefois extrêmement difficile en début de transat. Ouais. À mariner, ça veut dire quoi pour les non-initiés ? À mariner, c'est d'être bien dans votre bateau, c'est vraiment, vous êtes en phase avec votre bateau, vous êtes bien en mer. Sophie Pandiera, vous venez d'achever une thèse sur l'histoire du sommeil de la fin du 18e au début du 20e siècle. Quelles sont les premières expérimentations qui vont être menées en la matière ? Dès 1860, Kohlschütter, un élève de médecine de l'université de Leipzig en Allemagne, a l'idée de mesurer la profondeur du sommeil par l'intensité du bruit nécessaire pour réveiller le dormeur. Il va mener une expérience durant 8 nuits consécutives sur 6 étudiants de son université. Il observe leur sommeil et se tient dans la pièce où ils dorment, et à des intervalles réguliers, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, il va essayer de réveiller ses camarades. Il va prendre un pendule qui va faire sonner de plus en plus fort sur une ardoise et il calcule le temps que ça met pour réveiller le dormeur. Et du coup, plus il met longtemps à se réveiller, plus son sommeil est profond. À la fin de son expérience, il en conclut que l'heure qui suit l'endormissement est l'heure du sommeil le plus profond et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, le sommeil se fait de plus en plus léger et c'est là qu'apparaissent les rêves. Plus tard, dans les années 1890, on va mener d'autres types d'expérimentations sur le sommeil. C'est la psychophysiologiste russe Marie de Manasséin qui va essayer de répondre à la question « Est-ce que le sommeil est indispensable à la vie ?» Parce que, à ce moment-là, il y avait certains théoriciens qui pensaient que finalement le sommeil était plutôt une mauvaise habitude et que si on s'entraînait, on pouvait petit à petit finir par se passer de sommeil et que c'était pas grave. Elle va donc mener des expérimentations sur des chiots qu'elle va empêcher de dormir complètement et elle va remarquer que au bout de 3 à 4 jours, ils meurent tous. Et à l'autopsie, elle fait la constatation que le premier organe qui va se détériorer quand on prive des chiots de sommeil, c'est le cerveau. Et elle les compare à d'autres expérimentations qui ont été menées un peu plus tôt sur la privation de nourriture. Et elle remarque que les animaux qu'on avait privés de nourriture, le premier organe qui se détériorait, c'était plutôt l'estomac, les organes internes, etc. Et seulement en dernier, le cerveau. Marie de Manasséin en conclut donc que le sommeil est indispensable à la vie. Professeur Isabelle Arnulf, est-ce qu'on sait pourquoi on dort ? On pense qu'il y a beaucoup de fonctions au sommeil. On le sait en le supprimant, on voit comme les gens vont moins bien quand ils dorment pas assez. Tout ce qui est autour des fonctions de récupération, restauration est assez clair. Par exemple, pendant le sommeil, on a certains canaux qui s'ouvrent dans le cerveau qui sont des sortes d'égouts par lesquels vont partir un certain nombre de toxiques. Le cerveau se nettoie pendant le sommeil. C'est connu depuis peu de temps. Ça, on les appelle les glands lymphatiques, comme lymphatiques, mais avec un G. Et donc, on élimine en particulier ces protéines anormales qui produisent, enfin, si elles s'accumulent, la maladie d'Alzheimer. Tout ça est éliminé pendant le sommeil. Ensuite, sur le reste du corps, c'est une période qui va reposer le système cardiovasculaire. La tension artérielle va chuter, la fréquence cardiaque va baisser. Et tout ça a l'air indispensable pour maintenir un bon équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, hein, qui est la base de la bonne santé, hein, l'équilibre du système cardiovasculaire. Si la tension il reste un peu trop élevée la nuit, au début c'est la nuit, et puis après ça va passer en journée, et il y aura plus de repos nécessaire, et les personnes vont devenir hypertendues. À terme. La même chose arrive pour le métabolisme, c'est un moment où on économise de l'énergie au niveau cérébral, les taux de consommation de sucre baissent, d'oxygène baisse, et en parallèle dans le corps, c'est le moment où on va faire des réserves, mettre en réserve dans notre foie le glucose sous la forme de glycogène. Donc le métabolisme est amélioré pendant le sommeil. Et si c'est perturbé, il va y avoir prise de poids. C'est bien montré maintenant que les gens qui dorment pas assez grossissent. Et le cerveau lui-même, l'activité cérébrale elle-même, est le siège d'un dialogue entre l'hippocampe et les régions du cortex, du néocortex en particulier, donc à la surface du cerveau, qui permet au cerveau, coupé du monde, de faire un petit peu de nettoyage et de rangement. C'est principalement celui de la mémoire et des émotions. Alors, on ne sait pas encore pourquoi je vais retenir telle information et pas telle autre, mais on sait que ça consolide fortement la mémoire à long terme. En parallèle, dans ce dialogue, il y a un troisième intervenant, c'est l'amygdale. L'amygdale est la région qui est activée quand on a des émotions dans la journée. Et elle va être réactivée en particulier en phase paradoxale. Et on pense qu'il existe un dialogue entre l'amygdale, l'hippocampe et le néocortex pour à la fois retenir les informations et en même temps oublier ou en tout cas digérer les émotions négatives de la journée. Il y a probablement d'autres fonctions. Une défendue par Révencio, c'est l'idée que nos rêves étant souvent des menaces, on fait notre métier mais il se passe mal. Par exemple, la nuit dernière, j'ai rêvé que vous veniez m'interroger et puis je trouvais plus mes notes, je savais plus quoi dire, ce genre de choses. Ça, c'est assez classique et c'est bien connu qu'avant une échéance importante, beaucoup de gens vont rêver qu'elle se passe mal. Et ça a fait théoriser à un chercheur finlandais, qui est aussi philosophe, l'idée qu'on simulerait les menaces pendant la nuit pour mieux y faire face le lendemain. Augustin, vous avez 24 ans, vous êtes étudiant en biologie évolutive au Collège de France à Paris. Le docteur Arnulf et son équipe vous ont donné un petit surnom, ils disent que vous êtes le champion du rêve lucide. Effectivement, des rêves lucides, j'en fais beaucoup, 2 à 5 rêves lucides par jour. Au début, ça se manifestait surtout par des cauchemars. Et en fait, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, tout ce monde du rêve, si c'est bien un rêve et que je suis le rêveur, le monde du rêve ne peut pas exister sans moi. J'ai un peu le pouvoir. Et ça, en fait, ça m'a permis de plier un peu le monde du rêve à mes souhaits. Par exemple, je me suis assez rapidement procuré la capacité d'invincibilité, d'invulnérabilité. Ça me permettait de me sortir des situations un peu périlleuses. Par exemple, au cours de mes rêves, il m'arrive de voler. Donc ça m'a pris un peu de temps à mettre en place. Au début, j'écartais les bras et je me disais, allez, je m'envole. Et typiquement, ce qui se passait, en fait, c'est que je n'allais pas très haut. Je planais. Je pouvais à peu près contrôler la vitesse à laquelle j'avançais, mais c'était très difficile de monter et je faisais finalement que descendre. J'avais pas trop de contrôle non plus sur la direction, juste tourner un peu à gauche, à droite. Et en fait, un jour, je me suis dit que j'allais me mettre des réacteurs sous les mains et m'envoler. Et en fait, ça a beaucoup mieux marché. Je pouvais contrôler la vitesse, changer de direction assez rapidement et aussi en fait monter plus haut. Le rêveur lucide sait qu'il est en train de rêver au moment où il rêve. Et le sachant, il peut être juste spectateur de ses rêves, se dire tiens, il est beau ce rêve, ou il peut devenir acteur ou scénariste de certains aspects de son rêve, c'est-à-dire décider par exemple de changer un personnage ou un endroit, ou de s'envoler. Ce que font beaucoup les rêveurs lucides, c'est la première chose qu'ils font, c'est de voler. Et ça procure à ce moment-là en plus une impression de joie assez intense, cette capacité à maîtriser le déroulement de ses rêves. Alors c'était surtout décrit un peu en parapsychologie jusqu'aux années 70, jusqu'à ce que Steve Laberge en Californie ait l'idée, à ce moment-là le sommeil paradoxal vient d'être identifié depuis pas très longtemps chez l'être humain, de dire « moi je suis rêveur lucide et je vais pouvoir vous dire que je suis en train de rêver au moment où je rêve ». Et il décide donc avant de dormir d'envoyer à l'expérimentateur un code, une sorte de télégramme, en disant « si je suis en train de rêver, je vais vous faire des mouvements des yeux particuliers dans la phase paradoxale ». Le code le plus utilisé, c'est de balayer l'horizon du rêve de droite à gauche 2 fois, faire une pause et recommencer. Et vous pouvez envoyer une espèce de signal télégraphique à ce moment-là. Et les chercheurs ont eu la surprise de voir se dérouler sur le tracé de sommeil ces secousses oculaires très particulières qu'on distingue sans aucun souci des secousses habituelles du sommeil paradoxal, qui sont jamais horizontales, qui sont obliques et de faible amplitude. À partir du moment où on a un marqueur de la lucidité, où la personne peut dire qu'elle est en train de rêver, d'un point de vue de la recherche, c'est un outil formidable. Le rêveur lucide devient un agent infiltré dans le rêve. On peut lui confier des missions et lui dire quand tu seras en train de rêver, puisque tu peux modifier ton rêve, fais-nous signe que tu es conscient et essaye de trouver une piscine. Tu plonges dedans et quand tu sors de la piscine, renvoie-nous le signal. La personne est endormie, elle est paralysée, elle a son activité cérébrale de rêve et tout d'un coup, vous voyez apparaître le signal. Double regard droite, gauche, gauche, et sur le tracé respiratoire, un arrêt de la respiration. Et puis quand la personne sort de sa piscine, une reprise de la respiration et en même temps un signal, ça y est, je suis sorti de ma piscine. Et du coup, pour la première fois, vous pouvez corréler directement un contenu de rêve à ce que vous enregistrez à la surface de la personne, dans son corps, ou dans une zone de son cerveau, si vous faites de l'imagerie fonctionnelle ou de la localisation en électroencéphalographie. Et donc, ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de questions qu'on se posait depuis très longtemps sur les rêves. Par exemple, est-ce que la durée en rêve est la même que dans la réalité ? Il y a beaucoup, beaucoup de croyances que ça se déroule beaucoup plus vite que dans la réalité, parfois même de façon fulgurante. En fait, c'est pas vrai. C'est un des exemples des progrès qui ont été faits avec le rêve lucide. Dans le service, on a encore été plus loin. Pour l'instant, c'est un monocanal. Le rêveur lucide nous envoie de l'information, mais nous, on lui dit rien. On convient de la mission avant la sieste ou avant le sommeil. Et là, on a proposé de rentrer dans la chambre et pendant qu'il dormait, de lui dire des choses, de lui poser des questions alors que la personne est endormie. Le rêveur ne peut pas répondre vocalement, il est paralysé. Mais on avait convenu d'un code pour dire oui et d'un code pour dire non. Et à notre grande surprise, on a commencé avec Augustin. Et pendant qu'il dormait, en phase paradoxale, il a pu nous répondre oui et non avec son code oculaire. Et il lui-même dit qu'il était dans un rêve avec des amis dans une fête et qu'il y a une espèce de voix divine qui est venue du plafond et qui lui a demandé s'il aimait le foot ou le chocolat. Et il s'est rappelé de la mission à ce moment-là et il nous a répondu avant de retourner à sa fête. Et donc, c'est des manipulations compliquées, expérimentales, mais elles permettent de montrer que quand on dort, on a des petites fenêtres d'ouverture vers le monde extérieur qui peuvent être intégrées dans le récit en cours. Ça, c'est un progrès grâce aux rêveurs lucides, mais on n'a pas fini d'inventer des expériences. Ça sous-entend qu'on pourrait aussi nous faire travailler dans notre sommeil, apprendre des choses, ça, c'est, intégrer des connaissances. Ça a été une longue croyance qu'en mettant une cassette la nuit de langue étrangère, on se réveillerait le matin en la parlant couramment. Ça a été fait, ça ne marche pas. Service de pathologie du sommeil à la Pitié-Salpêtrière avec vous, Thomas Andrillon, et vous êtes chercheur INSERM, c'est ça, chercheur en neurosciences. Oui. Et on s'apprête à entrer dans la chambre 407. Donc là, on est dans une chambre d'hôpital, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous, ce qu'on va rajouter en plus pour faire nos protocoles, c'est un peu plus de matériel supplémentaire. Par exemple, au plafond, on a des micros qui vont nous permettre d'enregistrer les dormeurs pendant leur sommeil, si jamais ils parlent, tout simplement. On a aussi des caméras infrarouges qui vont nous permettre d'enregistrer leurs mouvements, voire leur expression faciale. Donc on s'intéresse beaucoup à ces détails fins pour voir les émotions et des fois leur façon de communiquer avec nous pendant qu'ils rêvent. Et on a aussi des ordinateurs devant lesquels les participants vont faire des expériences de psychologie expérimentale. Donc c'est en général des exercices relativement classiques où on va aller cibler des processus cognitifs comme la capacité à porter attention pour de longues périodes de temps, la mémoire, l'apprentissage, la perception visuelle ou auditive. Vous vous êtes intéressé en particulier au sommeil local? Alors c'est une notion qui émerge dans la littérature scientifique en contraste avec la façon dont on avait de représenter le sommeil auparavant, qui était vraiment comme un phénomène tout ou rien. Donc l'idée, c'est qu'un cerveau, il était soit complètement réveillé, soit complètement endormi, et qu'on pouvait pas avoir les deux en même temps. En fait, quand on avait les deux en même temps, c'était uniquement dans des cas très précis. Par exemple, chez certains animaux, comme le dauphin, qui peut dormir d'un hémisphère cérébral à la fois, puisque le dauphin doit continuer à nager pour pouvoir respirer. Il faut remonter à la surface. Voilà, il faut qu'il remonte à la surface. Il ne peut pas s'arrêter, comme nous, pour dormir quelques heures. Donc là, on est vraiment dans une situation où on va avoir, dans un même cerveau, de l'éveil et du sommeil. Mais jusqu'ici, on pensait que c'est vraiment des cas très particuliers pour des animaux spécifiques. Ou alors dans certaines pathologies, comme le somnambulisme, où on va avoir comme ça, dans une crise somnambule, certaines régions cérébrales qui montrent de l'activité d'éveil, d'autres régions cérébrales qui montrent de l'activité de sommeil. Ce Ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que même un individu normal peut faire un peu de ce sommeil local. Alors c'est pas aussi impressionnant que chez le dauphin ou que chez le somnambule, mais on peut quand même se retrouver dans des situations où, au cours de la nuit, on va noter que certaines aires cérébrales commencent à se réveiller légèrement. Et pendant la journée, on peut avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire quand on est réveillé, même yeux ouverts, en train de faire quelque chose, on peut remarquer qu'on sort de ralentissement de l'activité cérébrale, quelque chose qui ressemble un peu à du sommeil, et qui va avoir une conséquence sur leur capacité à porter attention à leur environnement. Ce qu'on va leur demander, c'est de s'asseoir devant l'écran qui est dans la pièce, et on va leur demander de faire un exercice extrêmement simple. C'est une tâche qui s'appelle le SART. Donc la traduction en français, c'est attention soutenue à la réponse. C'est-à-dire que devant eux vont défiler à l'écran des chiffres, de 1 à 9, dans le désordre. Donc ça peut être 1, 4, 7, 8, 3, 1, 7. Et on va leur demander un exercice qui est extrêmement simple, qui est d'appuyer sur un bouton à chaque fois qu'ils voient un nouveau chiffre. L'unique petite chose auquel on leur demande de faire attention, c'est qu'il faut appuyer pour chaque chiffre, sauf le chiffre numéro 3. Donc s'ils voient un 3, ils doivent se retenir, et sinon ils appuient. 7, 3, il ne faut pas appuyer. 6, 5, 1, 7, 5. Oups, ah, voilà, par exemple, je viens de me tromper. 5, 6, 8, 1. 2. Alors vous pouvez imaginer faire ça toutes les secondes pour une heure. Forcément, on commence au bout d'un moment à penser à autre chose. Donc en fait, ça vous permet quoi? De travailler sur la somnolence, la vigilance? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de comprendre du point de vue fondamental pourquoi le cerveau humain n'est pas capable de maintenir des performances stables au cours du temps. Contrairement à des machines, en fait, on a cette vulnérabilité un peu intrinsèque qui est que rapidement, on va se fatiguer. Si on nous demande de faire un exercice pour une heure, deux heures, on va être plutôt bon au début et puis petit à petit, on se déconcentre. Ça, c'est un intérêt, on va dire, de recherche fondamentale sur la compréhension de ce que c'est que la fatigue, d'où elle vient, pourquoi elle survient. Et après, il y a des intérêts cliniques ou pratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'examiner les différences entre individus? Pourquoi il y a des individus qui fatiguent plus rapidement que d'autres? Pourquoi des individus arrivent à résister à la privation de sommeil mieux que d'autres, et développer des systèmes pour pouvoir éventuellement prévenir les individus quand ils commencent à être fatigués. Par exemple, on peut penser au volant, un détecteur de fatigue, comme ça peut déjà exister d'ailleurs. Certaines voitures vont regarder les clignements d'yeux, la position du corps. Nous, on va essayer d'aller chercher une information cérébrale pour affiner ces prédictions-là. Par exemple, en ce moment, nous avons une étude qui vise à étudier le sommeil local chez des individus TDAH qui sont souvent décrits par rapport à leur hyperactivité, comme si c'est donc des gens quasiment trop éveillés. En fait, quand on regarde un peu dans le détail, ils souffrent beaucoup de troubles du sommeil. Donc les individus TDAH dorment mal, et donc on s'est posé la question de savoir si les déficits attentionnels pendant la journée pouvaient être dus à un manque de sommeil pendant la nuit, qui se traduirait du coup par des intrusions de sommeil pendant la journée, ce qui peut avoir des conséquences sur la capacité à porter attention. Et donc on se rend compte qu'en effet les individus TDAH ont beaucoup plus d'intrusions de sommeil que les individus non TDAH. Cette découverte, elle est intéressante parce qu'elle pointe du doigt un mécanisme potentiel des déficits de l'attention, un manque de sommeil, qui peut du coup être remédié soit de façon médicamenteuse, soit non médicamenteuse, par exemple en ciblant des thérapies qui vont viser à améliorer le sommeil. Au XIXe siècle, pour mieux comprendre le sommeil et ses pathologies, les médecins vont regarder du côté des sciences naturelles et du sommeil des animaux. Sophie Pandiera, doctorante en histoire et spécialiste du sommeil au XIXe siècle. En 1888, par exemple, le docteur Charcot, spécialiste des maladies nerveuses à la Pitié-Salpêtrière, établit le parallèle entre l'hibernation de la marmotte et le cas d'une patiente surnommée par les journaux de l'époque « la dormeuse de la Salpêtrière ». À ce propos, on pourrait citer cet extrait tiré des leçons du docteur Charcot, dans lesquelles il dit notamment « les hystériques qui dorment sont jusqu'à un certain point semblables aux animaux hibernants. C'est contraire aux lois de la nature, me direz-vous, mais les lois de la nature comportent des exceptions qui confirment la règle. Ainsi, les marmottes dorment pendant 3 mois de l'année. Pendant ces 3 mois, elles ne mangent pas et leur température descend jusqu'à 10 degrés. À la fin du 19e siècle, c'est une nouvelle dormeuse qui défraie la chronique, Marguerite Boyenval. Elle est surnommée dans sa Picardie natale la marmotte et la presse parisienne la compare à une belle au bois dormant contemporaine. D'ailleurs, dans Le Monde illustré, daté du 14 février 1896, on peut lire ce petit extrait d'article intitulé « La dormeuse de Ténel ». Depuis la Belle au bois dormant, on n'avait pas entendu parler d'un cas aussi étrange que celui de Marguerite Boyenval. À la suite d'une crise nerveuse qui la fit tomber sur le seuil même de la maisonnette où elle habitait avec sa mère, la pauvrette s'endormit, aussitôt mise au lit, et ne s'est plus réveillée. Il s'est écoulé 13 ans et 5 mois depuis cette aventure, et tel est le dépérissement de la léthargique que l'on suppose qu'elle passera ainsi de vie à trépas, sans jamais avoir repris connaissance. Là, on se trouve au Centre de neurosciences de Lyon, face au Neurocampus, Michel Jouvet. Michel Jouvet, c'est donc le découvreur du sommeil paradoxal sur le chat au début des années 60. Et on a rendez-vous avec Paul-Antoine Libourel, qui lui est un chercheur en neurosciences qui travaille sur le sommeil des animaux. Bonjour. Bonjour. Paul-Antoine Libourel, est-ce que le sommeil est commun à toutes les espèces animales ? A priori, on pense que oui. Parce que si on parle d'un point de vue comportemental, toutes les espèces de la plus ancestrale, comme la méduse, les vers, les drosophiles, les mouches ou des animaux plus complexes, des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, tous ont ces critères comportementaux du sommeil qui sont des périodes d'inactivité soutenue, une réversibilité des états de sommeil et une organisation suivant un rythme circadien et une homéostasie. Ce qu'on appelle homéostasie, c'est la capacité du corps à récupérer quelque chose qu'il a perdu. Et donc si on fait une privation de sommeil, on récupère ce sommeil. C'est une des caractéristiques importantes du sommeil et a priori on la trouverait chez toutes les espèces animales. Vous avez travaillé plus spécifiquement sur les rongeurs et sur les reptiles. Oui. Pourquoi je me suis intéressé aux reptiles ? C'est parce que c'est un groupe d'animaux, ce qu'on appelle à sang-froid. Alors, j'aime pas trop cette terminologie, mais on appelle ça des ectothermes, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de produire de la chaleur. Et ce groupe d'animaux partage un ancêtre commun avec les mammifères et les oiseaux. Les mammifères et les oiseaux sont des animaux à sang chaud, pour le coup, donc homéothermes, qui, eux, auraient ces deux états de sommeil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Donc d'un point de vue évolutif, on se posait la question de savoir est-ce que ces deux états seraient apparus avec cette homéothermie. Et du coup, c'était important d'étudier des animaux qui n'avaient pas cette capacité à produire de la chaleur. On a développé des outils technologiques qui nous permettaient d'enregistrer tous les caractères physiologiques et cérébraux caractéristiques du sommeil lent et du sommeil paradoxal, qui est caractérisé par une activité cérébrale qui ressemble à l'éveil, des mouvements oculaires, un relâchement musculaire complet et une dérégulation de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc., qui deviennent beaucoup moins stables. En fait, c'est ce qu'on voit chez les chiens quand ils dorment. On a les yeux qui bougent dans tous les sens, les pattes qui bougent un peu, ils commencent à respirer un peu plus fort. Ben, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a cherché chez les reptiles. Et on a trouvé des mouvements des yeux, mais assez rares, pendant la nuit, associés à une activité cérébrale différente. Et très peu de mouvements des pattes, de la queue, et pas de relâchement musculaire clair. Donc en fait, on aurait deux états cérébraux, peut-être avec des mouvements oculaires, mais pas tous les autres critères du sommeil paradoxal. Donc on a quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Vous avez devant vous des images d'animaux, on voit un renard, une girafe. Oui, en fait, c'est une illustration des critères comportementaux qu'on peut voir. On a une posture spécifique, c'est-à-dire les animaux. C'est aussi un des critères du sommeil. On les voit dormir dans des positions spécifiques. Et par exemple, la girafe, on la voit très bien ici. Pendant le sommeil lent, a priori, elle dormirait debout. Et elle va reposer sa tête sur son dos, ou même la reposer au sol, pendant le sommeil paradoxal. Alors ça serait peut-être, une des hypothèses, c'est que ça serait une adaptation à la perte de tonus musculaire qu'il y a pendant le sommeil paradoxal. Ça, c'est caractéristique un petit peu des herbivores. Du coup, le sommeil paradoxal pourrait être un état plus risqué aussi pour l'animal, puisqu'il est obligé de se mettre couché, du coup il faut qu'il se relève pour partir. Il y a des études qui montrent qu'on a un seuil de réveil plus élevé en sommeil paradoxal. C'est pas forcément le cas chez toutes les espèces, donc en fait, vraiment l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et le sommeil paradoxal aussi a été associé à tout ce qui était gestion de la mémoire émotionnelle. Donc est-ce que le sommeil paradoxal aurait pas un rôle dans la préparation au comportement instinctif. C'était les hypothèses de Michel Jouvet, ça. Voilà, il y a des études qui montrent que des animaux qui sont stressés ont moins de sommeil paradoxal, mais s'ils sont stressés de façon traumatique, ils auraient plus de sommeil paradoxal. Donc en fait, il y a vraiment un lien entre ce sommeil paradoxal et toute la composante émotionnelle. Et donc, du coup, peut-être la peur et peut-être la prédation. Sébastien Artaud, alors vous travaillez également sur le sommeil des animaux. Oui, je travaille sur le sommeil des animaux, mais moi plutôt en les animaux de laboratoire et vraiment spécialisé sur l'étude du sommeil chez le rongeur, le rat et la souris de laboratoire. Parce que le rat et la souris sont des mammifères, comme nous. Ils ont un cerveau qui est structuré de façon identique à celle de l'homme, bien sûr moins développé. Néanmoins, la structure du cerveau, l'agencement du cerveau et les types de neurones sont exactement les mêmes que chez l'homme. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des corrélats avec les pathologies humaines. Qu'est-ce que vous analysez là ? Je suis en train d'analyser des données que nous avons récoltées d'enregistrement de sommeil sur des souris qui développent la maladie de Parkinson. On étudie leur sommeil et comment évolue le sommeil de ces souris pour essayer de faire un corrélat, voir si justement le développement de cette maladie peut avoir un impact sur le développement du sommeil et l'apparition potentielle de troubles du sommeil que l'on observe par exemple chez l'homme, puisqu'on sait que chez l'homme, il y a un symptôme prodromal qui est le REM Behavior Disorder, c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal, où pendant le sommeil paradoxal, donc pendant que l'homme rêve, il n'a plus cette atonie musculaire et donc il développe des mouvements totalement brusques qui peuvent être extrêmement dangereux pour le conjoint ou la conjointe. Donc on essaye d'étudier ce phénomène sur des souris qui ont été rendues parkinsoniennes de façon transgénique, par manipulation génétique, et on essaye de vraiment montrer que ce symptôme peut être prodromal à la maladie de Parkinson. Ce qui peut prodromal, ça veut dire prodromal, ça veut dire qu'il arrive quelques années précédant le développement de la pathologie. Paul-Antoine Liboral, vous avez beaucoup travaillé en tant que chercheur sur l'écologie du sommeil, c'est-à-dire comment les animaux s'adaptent à notre environnement. Oui, c'est un petit peu là-dessus que j'organise ma recherche. En fait, d'un point de vue évolutif, c'est intéressant de regarder quelles sont les pressions qui vont permettre à un comportement de changer. On a des pressions pour pas dormir. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue évolutif, le sommeil, il nous fait perdre du temps. On se reproduit pas, on s'occupe pas de notre descendance. Et je dis nous parce que je nous mets dans les animaux. Donc, en fait, on pense que c'est un état dangereux qui est pas efficace. Et du coup, c'est toute la question, pourquoi est-ce qu'il est encore là ? Et comment est-ce que les animaux gèrent ce besoin de ne pas dormir ? Et pour ça, l'idée, c'est d'enregistrer un petit peu les animaux en milieu naturel. Est-ce qu'on pourra en comparer quelques-uns comme ça ? Ouais. Entre le dauphin, l'oiseau migrateur, les reptiles ou les rongeurs. Déjà, il y a des animaux nocturnes et des animaux diurnes. Ça montre déjà une adaptation du sommeil. Certains animaux ont réussi à shifter leur phase de sommeil en fonction de distribution de nourriture, de disponibilité de ressources alimentaires. Ensuite, il y a la partie fragmentation. C'est-à-dire que des animaux vont fragmenter leur sommeil pour avoir plus de niches, plus de temps, plus de... Voilà, donc c'est deux adaptations. L'organisation circadienne et la fragmentation. On sait, par exemple, le canard peut ne dormir que d'un œil. Oui. Il a été montré que chez les canards qui dorment dans un groupe, ceux qui dorment en périphérie de ce groupe ferait du sommeil unilatéral, donc un côté du cerveau qui dort et l'autre non, alors que ceux qui dorment au milieu feraient du sommeil bilatéral, donc en fait, ou bihémisphérique. Donc on pense que c'est une adaptation à un comportement anti-prédateur que les canards auraient développé. Et même chez l'homme, il y a l'effet de la première nuit à l'hôtel où on aurait une asymétrie dans le sommeil, donc peut-être que nous aussi on serait capable dans une certaine mesure de faire un petit peu de sommeil unilatéral. Ça, c'est ce que vous appelez aussi la plasticité du sommeil, c'est-à-dire notre capacité à... Ouais. Parce que notre sommeil s'adapte aux contraintes environnementales. C'est ça. Et dans quelle mesure il est capable de sortir de son schéma qui est bénéfique au corps ? Parce que le sommeil sert à maintenir notre corps en bonne santé. Du coup, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on le retrouve chez toutes les SS. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que le corps est capable de sortir de ce besoin sans que ça soit délétère ? Quel est le coût associé à la suppression du sommeil ? Il y a une étude très intéressante sur le sommeil du paresseux. Le paresseux a été étudié en zoo et a été étudié en milieu naturel avec des logueurs où on a pu enregistrer leur sommeil. Et en fait, il s'avère qu'en zoo, le paresseux dort 6 heures de plus. Donc on voit bien que le challenge environnemental a une certaine pression, une certaine dynamique sur le sommeil. Il y a une chose importante à noter, Paul-Antoine Libourel, c'est la différence entre les prédateurs et les proies. Le lion ne dort pas de la même manière que la gazelle, en gros. Oui, on pense que les prédateurs dorment plus que les proies. Mais est-ce que c'est le statut de proie et de prédateur qui fait qu'ils dorment moins, ou est-ce que c'est simplement leur régime alimentaire ? C'est aussi pas très clair, parce que finalement, les herbivores dorment moins que les carnivores. Mais les herbivores, ils ont un métabolisme qui est différent, ils ont besoin d'ingérer plus de nourriture, du coup de passer plus de temps à explorer. Donc, quelle est la pression ? Est-ce que la pression, c'est la prédation ? Est-ce que la pression, c'est le métabolisme ? Est-ce que la pression, c'est la taille ? Est-ce que la pression... Voilà. Donc ça, c'est pas encore extrêmement clair. Enfin, je trouve que la question est vraiment intéressante parce que la prédation, c'est un facteur de sélection naturelle extrêmement important. Une bonne partie des adaptations des animaux ont été sous la pression de cette prédation. Développer des grandes dents, des grandes jambes, des muscles puissants. Toutes les adaptations ont été poussées dans l'évolution par la prédation. Et la question, c'est est-ce que le sommeil, c'est le cas ? On n'en sait rien. Enfin, il y a quand même un effort important à faire pour essayer de comprendre quels sont les paramètres environnementaux qui vont vraiment impacter le sommeil et quelle est la capacité du corps de l'animal à s'adapter à ces changements. Quel genre de dormeur êtes-vous à terre, Jean-Pierre Dick ? Avec la mer, j'ai un sommeil de marin, je dirais, de plus en plus. Avec l'âge aussi, on dort moins. Bon, aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je me retrouve finalement avec un sommeil fractionné, c'est-à-dire que je ne passe plus de nuit sans me réveiller, au moins deux, voire trois fois. Voilà, c'est comme ça. Mais avec les mêmes techniques que j'ai finalement sur le bateau, mon sommeil de terre s'est approché finalement de mon sommeil de mer avec les années. Est-ce que vous recourez à l'hypnose ? J'ai fait un peu toutes les techniques au fil du temps. Méditation, hypnose, j'ai un peu tout lu. Bon, au final, ce que je retiens souvent pour déstresser, c'est la respiration abdominale, ce qui me permet de déstresser quelque part. Avec mon préparateur mental, Jean-Marc Laboue, depuis des années, la seule mission qu'on s'était donnée, c'était apprendre à mieux respirer. Souvent un sommeil d'apnéiste. Dans le stress, je retiens ma respiration. Là, apprendre à souffler et inspirer avec le vent de façon profonde. Voilà. Alors à bord, je n'utilise pas de somnifère. J'essaie de ne pas boire de café non plus. Pas de stimulant, ni dans un sens, ni dans un autre, dans la mesure où on est au service de la mer, on est au service du bateau. Donc il faut à tout moment, lorsque le temps se calme un peu, il faut être capable, même si c'est pas forcément dans la bonne porte du sommeil, pouvoir essayer de se reposer un petit peu. Le sommeil, professeur Arnulf, il n'a pas été perçu de la même manière au fil des siècles. L'idée de récupération, on la trouve depuis la nuit des temps. Mais l'idée de temps perdu arrive quand même avec le XXe siècle. Celui qui est performant, c'est celui qui dort pas beaucoup, qui se lève tôt, un peu comme le président Macron, qui est une exception parce qu'il est court dormeur. Et du coup, les gens vont petit à petit rétrécir, comme peau de chagrin, leur sommeil. L'arrivée des écrans aussi va le raccourcir. Et en parallèle de ce mouvement vers moins de sommeil, on dit classiquement qu'on a perdu une heure et demie de sommeil. Les Français sont passés en dessous de 7 heures il y a 2 ans. C'est vraiment une heure de moins que le début des études dans les années 70. Et en parallèle de ça, il y a tout un mouvement qui est né, évidemment, à la fois des médecins du sommeil qui se forment à ce moment-là, mais aussi d'une idée de bien-être dans la population, qui est le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est un temps à soi qui est utile à plein de choses. Et quand j'étais jeune, on disait on sait pas à quoi ça sert le sommeil. C'est une grosse bêtise. Il y a tellement de fonctions que ça m'est difficile de vous les résumer en une minute, que ça permette de consolider, de nettoyer le cerveau de toxiques, ou de digérer nos émotions, de nous rendre plus adaptés aux autres, plus empathiques, en plus de stabiliser tout le système cardiovasculaire, métabolique, immunitaire. On sait aussi que on sécrète pendant le sommeil plus facilement des cellules dirigées contre les cellules cancéreuses, et qu'il y a un surrisque de cancer chez les gens qui dorment moins. Donc toutes ces choses-là sont de connaissance connaissances récentes et ont accompagné le mouvement vers il faut se relaxer, il faut méditer, il faut profiter de soi, il faut vivre plus en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. Et dans ce sens-là, je pense que la perception du sommeil a commencé à changer et que certains grands leaders ont dit « Ah, moi, il me faut mes 8 heures pour être en forme ». Et c'est bien, moi, je trouve, comme message en population, c'est bien parce que sinon, ça fait des accidents sur les routes, ça fait des gens pas efficaces au boulot, ça fait des gamins qui n'ont pas les yeux en face des trous et qui mémorisent mal à l'école, qui sont impulsifs, hyperactifs, insupportables avec les maîtresses. Il y a des vraies conséquences sociétales du manque de sommeil et un vrai intérêt à l'allonger, à privilégier la sieste agréable qui va de plein de sortes de siestes, hein, la sieste très courte d'une minute où on peut avoir certaines illuminations comme on l'a montré dans le service, jusqu'à la sieste royale d'une heure et demie qui va être bonne pour la mémorisation et le système cardiovasculaire. Sommeil, avec Jean-Pierre Dick, heureux vainqueur de la Route du Rhum en classe Rhum Mono, qu'on félicite au passage, Isabelle Arnulf, Célia Lacco, Sophie Pandiera, Augustin Chen, Thomas Andrillon, Paul-Antoine Libourel et Sébastien Artaud. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Prise de son, Christophe Goudin, Huang Mai Tran, Frédéric Kérou, Yvan Charby et Jean-Guilain Meige. Mixage, Julien Douminc. Attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervran. Anatomie du sommeil, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Agnès Catou.